Mon père me dit, écoute fiston, faut réussir ta vie, fais pas le con. Il faut faire des études pour pas finir comme moi, dans cette multitude des sans-emploi. Dans cette multitude des sans-emploi. Mais papa, je sais bien que t'as raison de penser au destin de ton petit garçon. J'ai des projets en tête, puis que tu comprendrais pas. Je veux une vie de fête, un avenir de roi. Je veux une vie de fête, un avenir de roi. Et si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. Si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. Passe d'abord tes diplômes et connais bien tes droits. Et quand tu seras un homme, tu feras ce que tu voudras. La musique et les filles, ça peut venir après. Le jour où t'as une vie bien planifiée. Le jour où t'as une vie bien planifiée. Mais mon avenir est là, dans la musique. Ça ne crée pas d'emploi, c'est moins automatique. Je veux vivre d'amour, de rêve et de passion, avant que ne s'achève ma vie de petit garçon. Avant que ne s'achève ma vie de petit garçon. Mais si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. Si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. T'es bien ce que tu veux, après tout c'est ta vie. Mais quand tu iras mieux, pense à ce que je t'ai dit. Moi j'ai plus d'expérience, je peux te conseiller d'en prendre un peu conscience pour ne pas regretter. D'en prendre un peu conscience pour ne pas regretter. T'as écouté ton père et regarde où t'en es. Moi cette vie de misère, je ne peux pas l'accepter. Même si c'est la galère, je veux choisir ma vie. Et remercier mon père de ne pas m'avoir menti. Et remercier mon père de ne pas m'avoir menti. Car si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. Si je t'écoute, fini le voyage, je serai là comme un oiseau en cage. Si je t'écoute, fini le voyage, ce serait dommage. Si je t'écoute, fini le voyage.